Paraît que là on fixe dans mon album. Je te souhaite le bonheur. Je voulais dire qu'à la base je suis pas un rappeur. Mais vu qu'il y a pas de hasard, je fais pas les choses à moitié. Moi quand je m'investis c'est pour Tommy. Je fais du bien, mauvais procure des frissons. Ma voix est devenue l'espoir des prisons. Faire un coup de délire, je peux arrêter. C'est pas dans la zig, je verrai ma vie s'embellir. Endetté, mauvaise action, je vais pas te mentir. Je prends mon billet et je suis de retour à la maison. Méternisé dans ce milieu, ça se voit que tu me connais pas. Nique sa mère le rap, des putains de rebeux, des putains de noirs. Rap c'est la guerre, j'en rigole avec 2-3 mecs de mon car on tape des barres, on en picole. Vert de thé, comme un ancien, jamais défoncé. Bientôt j'arrête le rap pour mieux respirer. Pas te mentir, raconter des tralala. J'suis là pour prendre mes thunes et niquer le hala. La notoriété ça te ramène que la poisse. J'm'en passerai à bout les thunes que j'me casse. C'est urgent, y'a plus important. Pose-moi pas de questions du genre tu dois être content. T'es pas au courant, nous on est pas à fond dedans. À peine sorti du studio et tu vends. Fils d'immigrés sans sous, sans aucune ressource. Souvent un peu sous, j'ai connu la vie ou la bourse. C'est la course aux heureux pour connaître des jours heureux. Des moments chaleureux, sans ça t'es malheureux. Né dans le sud de la France, au milieu d'une ZUP. Ici d'une famille nombreuse, tu vois le truc. La daronne au foyer, le daron touche même pas le SMIC. Une famille à charge et le salaire casse pas des briques. Alors on fait appel aux allocations familiales. Comme la mafia c'est dans la rue que j'ai trouvé ma filiale. J'galère un peu, tout en cramant des joints de bœuf. C'est sauf qui peut si tu vois un Renoir ou un Rebeu. Changement décor dans la capitale, j'traîne mon corps. Hamdoulilah j'm'en sors, fini dormir dehors. J'écris pour fin mes textes du bout de ma mine. Freestyle radio ou en studio dans la cabine. J'fais des concerts, réponds à l'appel des clashs. Ça marche et sonne n'importe quel support j'me place. J'fais du rap, j'suis là que pour la gratte. J'veux prendre mon argent comme un joueur de gratte. Rien à foutre du succès, des gros coups de pute. J'veux juste mes thunes, donc faut que j'fasse des tubes. Mon hal vagabond, Kamel l'ancien. Donne-nous les moyens et on prendra un aller simple. Ma bon l'air dit, j'ai toujours quelque chose à dire. Grave, toujours sur le terrain. Kamel l'ancien, lui faut son bif. Grave, fuck le téléchargement. Moi aussi j'suis pauvre, pas de quoi m'payer un ordi ou une Audi. Famille pauvre, mon père a trimé 37 piges à Renault. Pour 1000 euros, en fois il manque un zéro. J'vais tout niquer, tout prendre, j'ai la dalle. Comme un charclos, les obstacles j'vais les charcler. Un dalle de plus, c'est rien, y'a toujours moyen. Comment ça, il faut sortir nos putains. C'est la haine, cousin, crois pas ce qu'on dit. La bif est pas le moine, j'toucherai un peu comme ce qu'on dit. On criera bien, criera le dernier, on sera les premiers. Comme à l'ancienne, on va tout raser jusqu'à Poitiers. Un sale arabe, un sale caractère, ça donne Kamel l'ancien. Avec mon rap, frère de galère, ça fait deux mecs en chair. Vie entière, raconter des tralala. J'suis là pour prendre mes thunes et niquer le hala.